heures midi. I've got the power. Électrochic, l'émission qui fait du bien partout, partout. Il est 10h, bon week-end sur Galaxy. To who we are. Petit remix bien sympa, c'est Rio et Shine On sur Galaxy, c'est le Mondo Remix. Hello good people, soyez les bienvenus chez vous. C'est électrochic comme tous les samedis matins, c'est le meilleur de la house et de l'électro pendant 120 minutes. C'est sur 9430 ou www.galaxyfm.com. Pour la suite du son, c'est tout de suite sur Galaxy, c'est Romain Curtis. 10h midi, électrochic, l'émission qui fait du bien partout. We'll be right back.

Galaxy. Galaxy. Good weekend. Good weekend. Bye. Galaxy. Écoutez Galaxy sur 9530 ou via le net sur www.galaxyfm.com. Le meilleur de la house et de l'électro, c'est encore pendant 60 minutes avec pour vous dans la deuxième partie d'Electrochic que du lourd. Il y aura Empenberg avec Acid Disco Plastic Electro, Ian Oliver, c'est le nouveau, c'est Vino Vino, Toca Disco avec Street Girls ou encore Ricardo Rena avec Hasta Que Salga La Luna. 10h30. Electrochic, l'émission qui fait du bien partout. Il est 11h, bon week-end. We'll be right back.

disco, plastic, electro, electro, electro. Acid, disco, plastic, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro, electro. Electro. Yeah.

Audio Slave avec Dead Souls que vous avez d'ailleurs découvert en mars sur Galaxy, ça commence à passer ailleurs que maintenant. Et ouais, c'est ça toute la différence avec les autres radios. Galaxy, c'est aussi des passes pour les meilleures soirées club, Pulse Factory, Escape, mais aussi l'H2O par exemple. Allez, on vous lâche tout de suite vos entrées gratos. Nous jouons avec le 5e, 10e et 15e appel au standard. 03 20 83 57 57. À venir côté son Sandy V avec Blip et Toca Disco Morambi. Et là tout de suite, c'est Quiver qui débarque dans votre radio. Quiver que vous aurez d'ailleurs l'occasion de retrouver dans le classement de l'Eurotop Galaxy samedi prochain entre 18h et 19h30. Je vous rappelle que c'est le classement des 40 titres les plus diffusés sur Galaxy 95.3. Galaxy. bien que ça soit sorti déjà depuis un bon petit moment. Ça fait encore partie de mes coups de cœur. Ça, c'est DJ Toka Disco et Morambi. Electrochic, that's finish pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est Jimmy et Spiritual Choice jusqu'à 14h. Nous, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro d'Electrochic entre 10h et midi, mais aussi entre 18h et 19h30 pour l'Eurotop Galaxy qui a lieu, comme vous le savez maintenant, tous les derniers samedis du mois. D'ailleurs, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné de Jérôme B. Encore une chose, si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end, n'oubliez pas la soirée HS Birthday, c'est déjà ce soir, c'est à l'Escape, avec bien sûr une belle brochette de DJ. Il y aura par exemple Max Welder, Manu Kenton, Yuri Eugienton ou encore Guillaume de Galaxy. Voili voilou, je crois que tout est dit, passez un excellent week-end et revenez-nous encore plus nombreux la semaine prochaine. Hey, tu veux connaître les 40 titres les plus diffusés sur Galaxy? Alors connecte-toi sur l'Eurotop. L'Eurotop Galaxy. Les 40 titres les plus explosifs du moment. Jusqu'en Chine, on nous écoute. Ah ben, on nous écoute en Chine, on fait très cool. L'Eurotop Galaxy, tous les derniers samedis du mois, entre 18h et 19h30. L'Eurotop Galaxy. Samedi sur Galaxy. House. 23h. Jérôme B. Jérôme B. Jérôme B. Tonight is not a simple night. Party house, party house, party house. This song is magic. La 13e édition du festival Jeune Public L'Enfance de l'Art vous attend jusqu'au 13 juin sur Waterloo. Un mois de théâtre, concerts, expositions et spectacles tout public. Programmation complète disponible sur l'enfancedelart.fr.gd. Gratuit pour les moins de 18 ans, 2 euros pour les adultes. Billetterie, Office de Tourisme, Waterloo. Quatrième exposition, l'Abbaye de Vaucelles, les samedis 31 mai et dimanche 1er juin. Découvrez-y le marché aux fleurs, celui des saveurs, des défilés de robes de mariée, une brocante et même des artistes peintres et créateurs. Plus d'infos, 03 27 78 50 65 ou sur vaucelles.com. Le festival Quartier de Lune bat son plein jusqu'au 31 mai sur Tourcoing. Musique, danse, art plastique, roller et soirée DJ sont au programme de cette déjà 7e édition. Informations et programmation, 03 20 70 10 00 ou sur le site web legrandmix.com. Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes vous propose une saison qui va faire du bruit jusqu'à la fin de l'été. Diverses expositions comme celle de Manuel Vidal, ingénieur du son et son parcours sonore, ou encore les sculptures de l'artiste Jean-Baptiste Carpeau. 03 27 22 57 20 ou valenciennes.fr pour en savoir plus. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles comme toujours sur le site web galaxyfm.com, rubrique Info Régionale Galaxy. Galaxy.